Exercice C, analyse de l'interview. L'écart entre la langue parlée et la surnorme. Pendant cette séquence transcrite, on peut observer plusieurs fois un certain écart entre la langue parlée et la surnorme, c'est-à-dire l'usage d'une langue qui s'est imposée comme le plus correct ou le plus prestigieux. On observe cela par exemple à la ligne 28 où Goldman dit « ça, c'est les possibilités de la technologie ». D'un point de vue grammatical, cette phrase n'est pas correcte. Le COD « possibilité de la technologie » est au pluriel, tandis que le verbe « être » reste au singulier. Goldman aurait dû dire « ce sont les possibilités de la technologie ». Avec le verbe « être » qui s'accorde au COD et qui est donc à la troisième personne du pluriel. Cette faute est récurrente, on la trouve également à la ligne 41 dans l'expression « c'est pas forcément des musiques très modernes ». C'est la même chose qu'avant, le COD au pluriel, le verbe « être » au singulier. De plus, on observe dans cette phrase un autre phénomène typique pour la langue parlée, l'omission du « ne » dans la négation « ne pas ». D'après la surnorme, il s'agit d'une faute. Goldman aurait dû dire « ce ne sont pas forcément des musiques très modernes ». Mais il arrive souvent dans la langue parlée que les locuteurs omettent le « ne » pour des raisons d'économie de langue. La phrase se dit plus vite en omettant le « ne » sans risquer une perte significative du côté de la compréhension. Il s'agit d'un phénomène fréquent, on le retrouve aussi à la ligne 84. Je me souvenais pas de cette séquence-là. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le même locuteur, Jean-Jacques Goldman dans ce cas-là, utilise parfois la négation correcte en disant « ne que », tandis qu'il omet le « ne » dans d'autres cas. On observe cela même dans une seule prise de parole, aux lignes 83 à 85. Goldman commence la phrase en disant « je ne me souvenais plus trop de ça », ce qui est correct au niveau grammatical. Mais dans la phrase suivante, il laisse tomber le « ne » en disant « je me souvenais pas de cette séquence-là ». Il ne s'agit donc que des tendances dans la langue parlée d'omettre le « ne » dans les négations et de ne pas s'accorder le verbe « être » au COD. Ce ne sont pas de régularités.